cadet de nos soucis passe dans la grosse machine. Il est transformé en saucisse et grillé sur le grill. Le problème est irrémédiable car ils sont hyper puissants. Ils nous mangent à nos tables en exploitant le vivant. Rien n'arrête la grosse machine, c'est de la peau, du cerveau, de l'échine. Rien n'arrête la grosse machine, c'est de la peau, du cerveau, de l'échine. Rien n'arrête la grosse machine, c'est de la peau, du cerveau, de l'échine. Rien n'arrête la grosse machine, c'est de la peau, du cerveau, de l'échine, de l'échine. C'est l'histoire de notre société et de son ampleur qui la ruine. Même l'espoir est gâté, mais ça passera avec une aspirine. Il suffit au matin de se lever pour consommer un peu le monde sans que ta main ne l'ait touché. Culpabilité profonde. Rien ne détermine la grosse machine, c'est une idée, une publicité, une usine. Rien ne détermine la grosse machine, c'est une idée, une publicité, une usine. Rien ne détermine la grosse machine, c'est une idée, une publicité, une énigme. Rien ne détermine la grosse machine, c'est une idée, une publicité, une énigme. Une énigme. Par défaut, l'animal est insensible, du bonobo jusqu'au renard. Après tout, les animaux sont une cible pour la race humaine. Et son bon vouloir. L'homme est un loup pour l'homme, depuis qu'il loue ses services à n'importe quel fou qui donne des ordres et des sévices. Mon fils et des sévices. Rien n'opprime la grosse machine, c'est un fourre-tout, un bijou, un calice. Rien n'opprime la grosse machine, c'est un fourre-tout, un bijou, un calice. Rien n'opprime la grosse machine, c'est un fourre-tout, un bijou, une actrice. Rien n'opprime la grosse machine, c'est un fourre-tout, un bijou, une actrice qui a du vice. C'est dans les cours d'école que l'on offre des bonbons quand un jour on offre de l'alcool, car la picole, c'est de bon ton. C'est le nouveau présidentiable, celui qui tient ses promesses, celui qui oublie les impondérables, les magouilles, ristournes et bassesses. C'est le nouveau présidentiable, celui qui tient ses promesses, celui qui oublie les impondérables, les magouilles, ristournes et bassesses. Rien ne réprime la grosse machine, c'est un emprunt, des parpaings, une surprime. Rien ne réprime la grosse machine, c'est un emprunt, des parpaings, une surprime. Une surprime. Tout désigne la grosse machine, c'est un dessin, un refrain, un film. Tout désigne la grosse machine, c'est un dessin, un refrain, un film, un film. Tout désigne la grosse machine, c'est un dessin, un refrain, une rime. Tout désigne la grosse machine, c'est un dessin, un refrain, une rime. Une rime. Une rime. Une rime.